Go, la review d'Ipress JB. Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud, Deezer et YouTube. C'est pas sexy Sarah ça? C'est pas sexy choucroute Sarah ça? Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café. J'ai la forme et je frétille comme une petite truite toute la journée. Hello les amis, comment ça va ce matin? Eh oui, nous sommes le jeudi 8 mars 2018. Je sais, il pleut, il mouille et c'est bien tristouille, mais la revue de presse JV, votre podcast quotidien 100% jeux vidéo, est là pour vous donner un peu de baume au cœur. Tout du moins, j'ose le croire. Oui, ça fait un petit peu prétentieux dit comme ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous me connaissez? Oui, alors j'ai peut-être bien des défauts, ma pauvre dame, bien sûr, mais en tout cas pas celui-là. Bref, cette intro n'a que trop duré, et il n'est que grand temps, oui, grand temps mes amis, de rentrer dans le vif du sujet avec les premières news, toutes fraîches pêchées du matin. Allez, c'est parti! Le prochain Nintendo Direct aura lieu ce soir à 23h, une diffusion qui durera 30 minutes, donc ça se terminera à 23h30, ce qui n'arrange pas mes affaires, puisque là, ça va me mener à des horaires complètement frappadingue, déjà que je termine en général vers 11h minuit, mais pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, je serai au rendez-vous. D'ailleurs, on va commenter ce Nintendo Direct sur le Discord de l'émission, sur un salon dédié, c'est ouvert à tous, le lien est sur la description et dans la description même, ce serait plus juste, de cet épisode, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je suis pas prêt encore de dormir la nuit qui vient, mais je dirais que c'est pour le beau geste, et c'est comme ça que je mène ma vie finalement. Nintendo nous promet des nouvelles sur les jeux apparaître cette année, sur Switch hein, bien sûr, et 3DS, en citant très précisément Mario Tennis Aces, hein, le prochain jeu de tennis avec Mario et tous ses petits copains, qui est affublé cette fois-ci d'un mode scénario. Bref, on en saura bien plus ce soir, et donc pour vous, si vous voulez vous coucher tôt, ne vous inquiétez pas, demain matin, avant 7h, vous aurez tout le débrief par votre serviteur. God of War, qui sort donc le 20 avril, aura le droit à une PlayStation 4 Pro à son effigie le jour de sa sortie. Un pack hein, annoncé à 469,99€ chez Micromania. Vous aurez un beau petit dessin qui va bien sur la console, sachant que le titre tant attendu hein, sera aussi vendu en pack avec une PlayStation 4 1 Teraoctet noir plus traditionnel, hein, cette fois-ci au prix de 349,99€. Qu'est-ce qu'on a appris aussi hier d'intéressant? Eh bien que Takuro Yamashita, le PDG de Nice America, a confirmé que IS 8 Lacrimosa sortirait bien en avril prochain sur Steam, donc ça sort le mois prochain. C'est sûr, ça y est, ça arrive, le PDG l'a confirmé. Enfin, pour terminer cette petite brochette de news jolie, la nouvelle recrue de GameCult a été annoncée, car vous savez que Boula Poire donc quitte GameCult. C'était d'ailleurs hier son dernier jour hein, officiel à la rédaction. Et donc j'avais dit qu'effectivement c'était un de mes rédacteurs préférés, notamment grâce à son expertise hein, sur les jeux japonais et les jeux indés. Et son remplaçant, la nouvelle de son remplaçant me fait bien plaisir, puisque c'est un rédacteur que j'affectionne aussi particulièrement, à savoir Pipo Mantis, qui nous vient de Canard PC. Donc Pipo Mantis quitte Canard PC pour GameCult, hein, après 6 ans et demi de bons et loyaux services, hein, comme il le dit sur Twitter. Bref, il devrait écrire pas mal de papiers, participer à l'émission le samedi. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme une belle recrue de poids pour GK. Addiction, violence, droit du travail, l'industrie du jeu vidéo attaquée sur plusieurs fronts. Un gros papier signé William Oduro et Corentin Lamy, donc sur lemonde.fr dans la rubrique Pixel, un papier qui nous dit que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, au Brésil ou encore en Nouvelle-Zélande, la plupart des syndicats du jeu vidéo nationaux sont mobilisés sur plusieurs fronts pour défendre leur secteur, qui connaît sa plus importante salve de critiques de la part des pouvoirs publics depuis 2 décennies. Si certaines obsessions vieilles des années 1990 refont surface de manière inattendue, comme les questions de violence et de l'addiction, d'autres s'inscrivent dans des évolutions économiques et sociétales récentes, que ce soit sur les nouveaux modèles de monétisation ou de la gestion humaine au sein des entreprises. Donc ça, c'est des sujets que l'on a longuement relayés, longuement traités dans cette émission, à savoir que l'OMS a annoncé récemment vouloir reconnaître l'addiction aux jeux vidéo en tant que maladie, les paroles complètement insensées de Donald Trump qui a suggéré un lien entre tuerie de masse et jeux vidéo et films violents, les lootbox dans le collimateur des puissances publiques, également les enquêtes publiées fin 2007 par Le Monde, Mediapart, Canard PC ou encore Game Cult sur les conditions de travail dans le milieu du jeu vidéo, l'affaire Quantic Dream, bref. Tout ceci, nous en avons parlé longuement dans l'émission. Donc je vous invite à lire ce papier très intéressant sur lemonde.fr, sachant que le dit papier conclut en nous expliquant que, après avoir écarté dans un premier temps toutes ces questions, le député de La République En Marche, Denis Masselia, à l'origine du groupe d'études sur le jeu vidéo à l'Assemblée nationale, qui avait été créé initialement pour défendre les intérêts des industriels, a déclaré, donc mardi 6 mars, c'est très récent, que parmi ces chantiers figurait aussi la question des salaires et des conditions de travail, tout en rappelant que le rôle du groupe n'était pas de légiférer. Gameloft enchaîne les fermetures de studios, c'est GameCult qui nous apprend ça, lui-même rapportant un papier de Games Industry qui fait état donc de la fermeture du studio madrilène de Gameloft, une fermeture survenue lundi matin qui intervient seulement, nous dit-on, un mois après celle du studio basé à la Nouvelle-Orléans. Chacun de ses satellites faisait travailler une quarantaine de salariés. Sollicités, Vivendi et Gameloft n'ont fait aucun commentaire sur la situation, mais la version espagnole d'Eurogamer a été en mesure de confirmer la fermeture du studio madrilène. Visiblement, Gameloft a fermé le studio un lundi matin, comme ça, sans avertir les employés. Tout ça s'est fait de manière assez brutale. On nous rappelle également sur GameCult que Gameloft a été fondé en 1999 par Michel Guillemot, afin de développer des jeux sur téléphone portable. Gameloft est présidé depuis juin 2016 par Stéphane Roussel, la famille Guillemot ayant mis les voiles après leur achat par Vivendi. Une édition limitée pour le livre Super Mario Encyclopédia. Oui, c'est Nintendo Différence qui nous apprend ceci, l'excellent Nintendo Différence, devrais-je dire. Amazon, donc, nous dit le papier, a récemment dévoilé une édition limitée donc du livre Super Mario Encyclopédia qui sera disponible le 23 octobre prochain en version anglaise, née d'une association d'un partenariat entre Dark Horse et Nintendo. Une édition limitée qui coûtera 79,99$. Ce qui nous fait à peu près 68€ et qui contiendra un boîtier en relief avec le fameux bloc, le petit point d'interrogation, le bloc surprise qu'on retrouve dans tous les Mario, qui contiendra à l'intérieur une des quatre couvertures réalisées pour l'occasion. L'édition limitée comprendra également un marque-page ruban imprimé avec le design de la liane de Super Mario Bros, ainsi qu'un ciel et des nuages imprimés le long du bord des pages. On peut donc précommander l'édition sur Amazon.com et même sur Amazon.fr. La version standard est toujours disponible en précommande pour 39,99$ et sur Amazon.fr pour 34,25€, bien sûr. Ce livre officiel disponible depuis le 19 octobre 2015, nous dit Nintendo Différence au Japon, contient 256 pages avec des informations et des illustrations de 17 jeux Super Mario différents sortis entre 1985 et 2015. Donc ça va jusqu'à Super Mario 3D World. On y trouve des descriptions sur les personnages, les ennemis, les objets, la conception des niveaux, des interviews avec des développeurs, des anecdotes, mais aussi des astuces, des glitches et des guides pour trouver tous les items de chaque jeu. Autrement dit, fan de Mario que je suis, je n'ai qu'une envie, c'est de plonger mon nez dans ce bouquin. Autant vous le dire, tout de go comme ceci, autant être sincère, ce bouquin me fait furieusement envie. Ce qui serait bien, c'est qu'il sorte après un deuxième tome basé sur Mario Odyssey. En tout cas, là, déjà, le programme me fait méchamment baver. Tiens, cela fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'équipe.fr. Il me semble que j'avais relayé un article de l'équipe.fr il y a peut-être très très longtemps, peut-être dans les tout débuts de l'émission. Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez toujours inédit, n'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas vous parler du PSG. Je ne sais pas s'il y a des supporters parisiens parmi vous, ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis supporter d'aucun club. Mais ne vous inquiétez pas. Si c'est le cas, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Non, j'aimerais vous parler de James Harden. Hein. James Harden, le meneur de l'équipe de basket des Rockets, qui apparemment a confirmé le prochain Call of Duty, puisque nous dit l'équipe, hein, une casquette portée donc par le joueur met fin à une rumeur qui agite l'univers du jeu vidéo depuis des semaines. Alors c'est vrai qu'il y avait cette rumeur qui planait, qui n'était pas assez importante pour moi pour vous la relayer, mais là je trouve que ça prend une tournure assez quand même rigolote. Et donc l'équipe.fr nous dit que, alors je cite, hein, que l'égérie donc de NBA Live 18 est présent également dans FIFA 18 via le mode aventure. Alors ça je l'apprends. James Harden a visiblement quitté Electronic Arts pour Activision, puisque le meneur donc des Rockets a été aperçu vêtu d'une casquette arborant le sigle Call of Duty Black Ops 4. Alors 4 avec 4 bâtons, 4 bâtons tout collés, et donc ce qui confirmerait la rumeur donc du prochain Call of qui ne serait autre qu'un Black Ops 4. Alors on peut voir effectivement cette casquette sur le compte Twitter, hein. J'ai la photo devant moi, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission bien sûr. Une information donc qui n'a pas été, nous dit l'article, officiellement annoncée par Activision, mais nous dit l'équipe.fr, dont nous avons pu nous assurer de la véracité par nous-mêmes. Reste à savoir, donc conclut le papier, si le retour à un cadre moins réaliste et surtout futuriste conviendra aux joueurs parmi lesquels on retrouve de nombreux sportifs, dont Mister Pastore, entre autres adepte de cette série de FPS militaire. Hein, je cite toujours l'équipe. Donc alors, deux questions. Est-ce que vous trouvez ça rigolo ? Moi franchement je trouve ça rigolo. C'est vrai que Call of, c'est pas vraiment ma came du tout, même si je respecte totalement ceux qui adorent. Hein, ne rentrons pas dans les clichés, il en faut pour tous les goûts. Et c'est en général assez bien fichu pour ce type d'expérience, il n'y a pas de problème. Je trouve ça rigolo donc. Est-ce que vous trouvez ça, vous aussi, assez cocasse ? Et deuxièmement, est-ce que parmi vous, il y a des auditeurs qui attendent ce Call of ? Et est-ce que, si vous l'attendez, est-ce que le fait que ce soit un Black Ops, visiblement, hein, on s'y dirige vraisemblablement, est-ce que le fait que ce soit un nouveau volet de Black Ops vous enchante ou pas ? Ou si, trois émotions, vous vous en tartinez joyeusement les miches, auquel cas, écoutez, j'ai envie de vous dire, on plie les gaules et on n'en parle plus. Hein, voilà. Allez, je pense qu'il est temps de terminer l'émission parce que là, je commence à dire un petit peu n'importe quoi et c'est pas bon. C'est mauvais signe, je vous le dis. C'est ainsi que se termine cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc ce soir, dès 23h et même un peu avant, hein, comme vous voulez, durant la soirée, à venir sur le Discord causer de ce Nintendo Direct, vos attentes, on commentera en direct. Puis moi après, dès que ce sera terminé, je filerai préparer ce segment-là de l'édition de demain. Donc n'hésitez pas à venir me voir, et comme d'habitude, partagez un max sur les réseaux sociaux, laissez-moi des petites étoiles et des commentaires sur iTunes, ça fait toujours plaisir, ainsi que d'aller faire un petit coucou sur le Tipeee, ça mange pas de pain, si vous voulez m'aider. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Donc pour certains, je vous dis à ce soir sur le Discord, sinon bien évidemment, à demain matin, peu avant 7h, pour votre édition quotidienne. Allez, très bonne journée à vous, bye bye.